Chapitre 19. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Louez Dieu, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Il l'a punie parce qu'elle avait tué les serviteurs de Dieu. » Et ils dirent encore « Louez Dieu, la fumée de l'incendie de la grande ville s'élève pour toujours. » Les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent à genoux et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône et dirent « Amen, louez Dieu !» Une voix se fit entendre du trône. Elle disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, les grands comme les petits. » Puis j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. J'entendis qu'il disait « Louez Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, règne en roi. Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Elle a été autorisée à s'habiller d'un fin tissu de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les œuvres justes des membres du peuple de Dieu. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent la vérité révélée par Jésus. Adore Dieu. » La vérité révélée par Jésus, c'est ce qui inspire les prophètes. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu, et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une barre de fer, et il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient à travers les airs, « Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger la chair des rois, des généraux et des soldats. » La chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, esclaves et libres, grands et petits. Puis, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut faite prisonnière, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence. C'est par ces miracles qu'il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de feu où brûle le soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair.